L'équipe coréenne s'est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde pour dames de moins de 20 ans 2016 de la FIFA. Au quart de finale tenu le 24 courant, les Coréennes ont battu les Espagnols par le score de 3-2. La demi-finale aura lieu le 29.